Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'uda, summa amma ba'd. Donc nous continuons dans Al-Bayan Al-Fawri, la deuxième partie maintenant. Le Cheikh, Hafidhahullah, Cheikh Arafat Al-Muhammadi, Hafidhahullah ta'ala, avait donc mentionné donc ici les preuves qui montrent que Yahya al-Hajouri est un haddadi. Et donc il a montré comment il a combattu la da'wa des gens de la sunna, trait par lequel se signalent les haddadi. Nous mentionnons d'abord ceci. La da'wa salafia est combattue férocement par ses ennemis, par ses a'da, par ses ennemis, dans les journaux et les revues, par des livres et des articles, dans les chaînes radiophoniques et télévisées, dans des sites, des forums et des réseaux sociaux. Yahya al-Hajouri a rejoint ce convoi, Hada al-Rakb. Il a rejoint ce convoi qui est celui des gens des passions. Il leur a rendu un grand service en combattant les savants à partir d'un centre des gens de la Sunna, le centre qui fut fondé par l'érudit savant Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Yahya al-Hajouri s'est frayé la voie de Al-Haddadiyya. Il a éduqué ses tollab, ses étudiants, et ses atba', ses suiveurs, sur le suivi de sa propre personne. Et cela a des preuves dans le fanatisme qu'ils ont pour ces égarements, qu'ils défendent comme si c'était des vérités. Yahya Al-Hajouri dépassa Mahmoud Al-Haddad dans sa tariqa. Al-Haddad vient maintenant comme un élève de Al-Hajouri dans cette voie Haddadiyya ou Hajouriya, qui donc Al-Haddadiyya qui mérite désormais d'être baptisé la voie Hajouriya, parce que la voie Hajouriya est plus excessive que la voie Al-Haddadiyya. Les gens de science ont patienté face aux excès et transgressions de Al-Hajouri. Ils l'ont conseillé à plusieurs reprises, et parmi ceux qui l'ont conseillé, il y a les réduisaires Rabi' bin Hadi Hafidhahullah. Il l'a conseillé par écrit et oralement, comme lors du pèlerinage de l'an 1428 de l'Égypte. Il l'a conseillé devant les mashayikh Al-Bura'i, Al-Zamari, Al-Sawmali et Al-Imam. Il lui a demandé de cesser, et de montrer par les preuves la vérité sur ce qu'il prétend de sectarisme des deux Adani. Al-Hajouri s'est tu devant Cheikh Rabi' et quand il est revenu à Damaj, il s'est révolté de nouveau contre les savants et contre les gens de la Sunna. Cheikh Rabi' avait prononcé la fameuse nasiha aux gens de la Sunna et aux gens du Yémen pour qu'ils préservent leur da'wa. Cheikh Rabi' a prononcé une nasiha célèbre. Il demanda aux deux parties d'arrêter les critiques et de les supprimer des sites. Les gens de la Sunna et de Al-Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, se sont réjouis du conseil paternel de Cheikh Rabi' al-Madkhali, Hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Mais quelle était la réaction de Al-Hajouri et ses suiveurs? Ils ont opté pour Al-Fitna. Le 14 Rabi' al-Awwal, 1432, donc de l'Égypte, 1432, entre Al-Maghrib et Al-Isha, un disciple récita devant Al-Hajouri un poème plein d'insultes contre Cheikh Rabi' et qu'il intitula « Al-Nush al-Badi' les Cheikh Rabi' ». Ce poème contenait ce qui suit. 1. Que Cheikh Rabi' n'est plus crédible. Il perd sa crédibilité. Mat'ounun fi misdaqiyatih. Cela a été dit avant le poème, c'est-à-dire dans le préambule que le talib a lu avant de commencer son poème lamentable. Le deuxième point qui figure dans ce poème, c'est que Cheikh Rabi', les fleurs de Cheikh Rabi' maintenant sont fanées. Hein, c'est-à-dire parce que donc il fait allusion au nom de Cheikh Rabi'. Rabi' veut dire en arabe printemps. Maintenant il a dit ses fleurs sont fanées ils sont sur le point de mourir. Azharuhu zabulat wa awshakat an tazhaq. Le troisième point, donc, qui figure dans ce poème, il a dit indahu makrun barid. Hein, il a une ruse froide. Il prétend que Cheikh Rabi', ou bien il accuse que Cheikh Rabi', il a une ruse froide. Le quatrième point qui figure dans ce poème, il dit que Cheikh Rabi' se trompe à cause du grand nombre. Annahu yaghtarru bil kasra. Que Cheikh Rabi' compte sur le nombre et non pas sur l'adilla et sur les preuves. Wallah al-musta'an. Et quelle était la position de Al-Hajouri? Al-Hajouri a toléré tout cela et il l'a défendu. Yahya Al-Hajouri avait déjà entamé lui-même cette voie, c'est-à-dire celle de s'attaquer à Cheikh Rabi' al-Madkhali, comme cela est attesté dans la cassette intitulée « As'ilatu shababi masjid al-istiqama fil Hudaydah » la nuit du mardi 11 Rabi' al-Awwal, où il y a 10 points de détraction contre Cheikh Rabi' 10 ta'anat ou 10 ta'unat fi al-alim Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Ce qui ne nuit pas bi'iznillah à Cheikh Rabi' et ce qui n'a fait qu'enfoncer Yahya al-Hajouri dans la haddadiyya et dans l'égarement. Al-Hajouri recourt au chantage. Il pense qu'en haussant le ton contre les gens de la sunna, ils seront intimidés et se soumettront à ces conditions injustes. Il se trompe, il s'est trompé et il se trompe sur cela. Ensuite, Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala, a rappelé des innovations parmi ce qu'il y a chez Yahya al-Hajouri, des innovations par lesquelles il dépasse al-Haddadiyya. Premièrement, il y a sa parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trompait dans les moyens de prédication, tout en reconnaissant que ces derniers relèvent du wahi, de la révélation et de tawqif, c'est-à-dire de ce qui dépend des textes. Deuxièmement, sa parole d'accusation dirigée envers des sahaba. Il a fait un tahqiq, une vérification d'un livre de Al-Bayhani, du dénommé Al-Bayhani. Et il n'a pas vérifié son insulte envers le compagnon Al-Aqra ibn Habis, ni son insulte à l'égard des Médinois qu'il accuse de n'adorer que la matière et de ne sacraliser que l'intérêt. Annahum la ya'buduna illa al-madda wa la yuqaddisuna illa al-maslaha. Et qu'ils sont faibles d'esprit et immatures. Wa annahum sufaha'ul ahlam wa hudasa'ul asnan. Al-Hajouri n'a pas commenté ces choses lorsqu'il a fait son tahqiq de ce livre. Ensuite aussi, il y a dans ce qui se rapporte aux sahaba, c'est-à-dire dans ce deuxième point, il y a son attaque contre Uthman, radiallahu anhu, l'accusant d'innovation et d'invention, et considérant le premier Aden comme la mère des innovations de Al-Jumu'a, Ummu Bida' Al-Jumu'a, Wallah Al-Musta'an. Et Al-Hajouri a procédé à la troncation d'une parole de Ishaq ibn Rahouya, afin de faire passer son mensonge, le mensonge de Al-Hajouri, afin de faire passer son mensonge envers Uthman, radiallahu anhu. Al-Hajouri considère même que quiconque suit Uthman en cela, c'est-à-dire sur ce premier Aden, est alors mubtadi'. Et parmi les points aussi qui se rapportent au Sahaba, sa prétention que des compagnons auraient participé au meurtre de Uthman, radiallahu anhu, ainsi que son accusation des gens de Badr, qu'il aurait désobéi à Allah par deux reprises, alors que lui-même Hajouri n'a pas compris le sens de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين. Donc là, Al-Hajouri, il s'est trompé sur cela. Il a considéré que les gens de Badr aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par deux reprises, alors que Allah subhanahu wa ta'ala parle de toute autre chose. C'est-à-dire que ceux qui avaient atteint les compagnons le jour de Uhud, c'est-à-dire ils ont reçu, ils ont subi, c'est-à-dire al-qatl, c'est-à-dire de 70 parmi eux, eux ils avaient donc fait un exploit double, c'est-à-dire qu'ils avaient tué 70 et ils avaient aussi pris, c'est-à-dire comme ils avaient emprisonné, hein, ils avaient emprisonné 70 aussi. Lui, il a dit que c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Troisièmement, parmi les points relevés par Sheikh Arafat al-Muhammadi et qui sont des points par lesquels al-Hajouri a dépassé al-Haddadiyya al-Oula, il a affirmé la croyance ash'arite dans son explication de as-Safariniya en prétendant qu'il est possible qu'Allah punisse la création sans péché ni crime. Et par ailleurs, je note aussi qu'il a affirmé que al-Hajouri a affirmé aussi la croyance de al-Qadariya et al-Mu'tazila, comme quoi celui qui veut la vérité et déploie l'effort, il l'atteint nécessairement. Point qui a été mentionné dans al-Bayan al-Fawri, la partie première. Quatrièmement, parmi les points par lesquels al-Hajouri a dépassé al-Haddadiya al-Oula, la première Haddadiya, le quatrième point, il affirme la fausse règle de Al-Mujmal ou Al-Mufassal dans les paroles des hommes infaillibles, qui est l'une des ruses de Abu al-Hassan al-Ma'ribi, hein, qui est l'une des ruses des fausses règles par lesquelles s'est signalé Abu al-Hassan al-Ma'ribi et par lesquelles il veut défendre les gens des innovations. C'était pour défendre les innovations et les gens des innovations, ainsi que défendre les fausses et les égarements. Alors que donc l'avis des gens de la Sunna, c'est que donc les gens de la Sunna regardent la faute et regardent celui qui a commis la faute. Les gens de la Sunna réfutent toujours les fautes, ils réfutent les erreurs, ils ne laissent pas les erreurs. Deuxième chose, ils regardent celui qui a commis la faute, est-ce qu'il est un bid'i, donc ils le jugent selon ce qu'il mérite. Et si c'est un homme qui est parmi les gens de la Sunna, les gens de la Sunna déploient le conseil nasiha pour cet homme parce que ils savent qu'il est parmi les gens de la Sunna et qu'il aime la vérité et qu'il revient à la vérité bi-idnillah. Et cela est détaillé dans des cours de Sheikh Rabir ainsi que de Sheikh Ubaid al-Jabiri, notamment une muhadara, une conférence de Cheikh Ubaid al-Jabir hafidhullah intitulée Al-Hadd al-Fasil fi mu'amalati ahli sunnah wa mu'amalati ahli al-batil. Voilà, c'était le quatrième point par lequel Hajouri a dépassé les Haddadi premiers. Le cinquième point, c'est qu'il prétend que les gens de la Sunna sont les plus proches par rapport à la vérité au lieu de dire qu'ils sont sur la vérité même. Sixièmement, il imita Mahmoud al-Haddad dans la non-distinction entre l'innovateur qui appelle à son innovation et celui qui n'y appelle pas. Et après ces six points, Sheikh Arafat al-Muhammadi hafidhahullah montra qu'il y a deux fondements qui démontrent que Yahya al-Hajouri est un Haddadi. Le premier fondement, c'est al-ghulou fi shakhs al-Hajouri wal-ladhi radiya bihi manhajan lah. L'excès envers la personne de Yahya al-Hajouri, chose qu'il agréa comme voix. Deuxièmement, al-ghulou fi al-hukm 'ala al-mukhalif wa law kana 'aliman. La transgression et l'excès dans le jugement qui convient à l'opposant, quoi qu'il soit parmi les savants. Et al-Hajouri et ses suiveurs ont rendu un service inestimable aux autres gens d'innovation par leur combat acharné contre les gens de la Sunna. Cela apparaît d'abord dans le nombre des écrits et des audios qu'ils font contre les gens de la Sunna. Cheikh Arafat, hafidhahullah, mentionna ce qui suit. 10 écrits qu'ils ont faits contre Cheikh Abu Anas Muhammad bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah, says, écrit contre le Sheikh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah, ainsi que des écrits contre des mashayikh du Yémen, et beaucoup d'écrits contre Sheikh Rabi' al-Madkhali, hafidahullah, et contre Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullah. Sheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, mentionna aussi leurs écrits contre les sites salafis comme Shabakat Sahab al-Salafiyya. Il y a 6 documents ou bien 6 écrits qu'ils ont fait contre Shabakat Sahab al-Salafiyya, le site qui est connu comme un site des gens de la Sunna, ainsi que des écrits qu'ils ont fait contre Shabakat al-Bayda, un site salafi, et qui est Shabakat al-Bayda. Ils ont fait à l'époque 11 documents contre ce réseau, contre cette shabaka. Le Cheikh Arafat aussi montra que les critiques qu'ils ont fait contre Cheikh Farkous et les autres mashayikhs d'Algérie ont atteint plus de 20 réfutations, 20 critiques contre les mashayikhs d'Algérie, wallahu musta'an. Cheikh Arafat al-Muhammadi hafidahullah montra qu'un grand nombre de savants ont mis en garde contre Yahya al-Hajouri. Et en tête de ces savants, il y a le porteur de l'étendard de la science, de la critique et de l'éloge, l'éminent savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Cheikh Arafat al-Muhammadi posa ensuite la question de savoir si après tout cela, c'est-à-dire après le grand nombre des détractions et des attaques, les efforts déployés et les critiques contre les savants et mashayikh, et les temps que les tolèbes et les suiveurs de Al-Hajouri ont consacré à cette chose et à ce sujet, si après tout cela, Al-Hajouri ose encore, lui et ses suiveurs, prétendre qu'il n'est pas un haddadi. Si après toute cette guerre, il prétend qu'il n'est pas un haddadi. Al-Sheikh Arafat al-Muhammadi établit une comparaison entre Yahya al-Hajouri et un autre haddadi qui est Falih bin Nafi' al-Harbi. Et Sheikh Arafat releva 8 traits de ressemblance entre les deux. Le premier trait, At-ta'nu fil ulama wa ihtiqaruhum wa isqatuhum wa la siyama al-Sheikh Rabi' wa ulama al-Madina. La détraction contre les savants, le dénigrement envers eux et le fait de les faire tomber, notamment Cheikh Rabi' et les savants de Médine. Les haddadis se signalent par cela. Deuxième chose, عَدَمُ النَّظَرِ إِلَى الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فَلَا يُرَاعِيَانِ مَصْلَحَةَ الدَّعْوَى فَكِلَاهُمَا أي يحيى الحجوري وفالح الحربي فَكِلَاهُمَا يَنْظُرُ إِلَى مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ. Le fait de ne pas considérer les intérêts ni les méfaits, les préjudices. Les deux ne prêtent pas d'attention à l'intérêt de la da'wa. L'intérêt de la da'wa salafia, c'est plutôt qu'ils ne pensent qu'à leur personne. Le troisième point de ressemblance entre Al-Hajouri et Al-Harbi, annahuma ya'nafani min al-iqtida'i bil-ulama, li'anna haza fi nadarihim yusayyiruhum muqallida. C'est-à-dire, ils ne supportent pas de prendre exemple sur les savants, car cela, leur semble-t-il, les rendrait des imitateurs, les réduirait à des imitateurs. Quatrièmement, yush'irani al-mustami' al-kalamihima annahuma huma al-ghayurani 'ala ad-da'wa wa annahuma man yash'uru bil-mas'uliyyah khilafan li-ghayrihima. Ils donnent à penser à qui les écoutent, qu'ils sont les seuls à avoir la jalousie pour la religion, qu'ils sont les seuls à ressentir la responsabilité contrairement aux autres. Cinquièmement, le cinquième trait de ressemblance entre Al-Hajouri et Al-Harbi, Al-Ghulu al-Hasil fi al-Rajulayn, l'excès qui eut lieu envers ces deux hommes. Falih fut surnommé comme étant Al-Munqiz, wa Aydan comme étant Al-Jahbaz, et comme étant Hawi al-Funun wal-Uloum, et comme étant Rayhanatul Madina. Et Al-Hajouri le dépassa, puisqu'il est Imam al-Thaqalayn, Et l'un des proches de Al-Hajouri, l'un des proches de Yahya Al-Hajouri, et qui est Hussein Al-Hajouri, composa même une risala où il soutient qu'il n'y a aucun blâme ou critique à adresser à Yahya Al-Hajouri pour ce titre, pour le titre qui est Imam al-Thaqalayn. Il intitula cette risala, cet épître, Hussein Al-Hajouri, il intitula قَطْعُ الْوَتِينَ للمتشبثين بعبارة إمام الثقلين. L'épître fut publié sur le site, sur leur site, c'est-à-dire sur le site de ces Hajawira, et cela en date du 6 mai 2009. Le sixième point par lequel Al-Hajouri ressemble à Al-Harbi, c'est qu'ils n'ont pas de position claire et affichée ni de critique envers la première Haddadiya. Parfois, Al-Hajouri renie même cela. Yunkiru wujud Haddadiya. Il renie, c'est-à-dire l'existence de la bid'a de Al-Haddadiya, et il renie l'existence de Al-Haddadiya, c'est-à-dire comme personne et comme groupe. Et parfois, il conteste la dénomination. Ya'tarid faqat ala tasmiya. Parfois, il conteste uniquement la dénomination. Il dit on l'appelle Roulou, Exey, et non pas Haddadiya. Et il ne renie Al-Haddadiya qu'à cause de la ressemblance qu'elle a avec sa voix à lui, et qui est la voix Al-Hajouriya. Le septième point de ressemblance entre Al-Hajouri et Al-Harbi, c'est que les deux se déguisent derrière certains savants. Al-Harbi se déguisait derrière certains savants de Najd et Al-Hajouri se déguisait derrière la formule Awsa li Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil m'a confié, c'est-à-dire tel poste. Et la réponse des gens de la Sunna, c'est que Sheikh Muqbil ne connaît pas l'invisible. Huwa la ya'lamu al-ghayb. Al-Sheikh Muqbil rahimahullah hakama 'ala al-zahir wa ar-rajul taghayyar. Sheikh Muqbil ne connaît pas l'invisible et il ne savait pas que Yahya Al-Hajouri allait changer. Cheikh Muqbil ne connaît pas l'invisible et il n'avait pas cette voie par laquelle Al-Hajouri est sorti. Le huitième point de ressemblance entre Al-Hajouri et Al-Harbi, c'est que les deux sont d'accord sur le point que les règles de Al-Jarh wa Al-Ta'dil ne s'appliquent pas aux gens des innovations mais aux rapporteurs, chose que Cheikh Rabi' Hafidhahullah réfuta par trois articles et qui sont dans Al-Majmou' Al-Wadih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alameen.